Chapitre 41e. Le spectre de William. Plusieurs années se sont écoulées depuis les derniers événements. Le lecteur n'a pas mis en doute que la patience de Madame Halliburton, ses luttes persévérantes, son infatigable activité jointe à sa confiance entière dans la bonté et la sagesse du Tout-Puissant, n'aient eu leur récompense. Mais qu'il ne croit pas cependant que la fortune se soit présentée à elle sous la forme d'une voiture à 6 chevaux. Les richesses ne s'acquièrent pas si vite. Jane n'était plus à l'aise. Le temps avait apporté avec lui bien des changements. Madame Rice est allée rejoindre Jenny Halliburton dans le grand voyage, et Dobbs était devenu servant de Madame Halliburton. Dobbs avait eu du malheur. Elle avait placé dans une banque une jolie somme bien ronde, car elle avait été prévoyante toute sa vie, mais la banque avait fait faillite et englouti toutes ses épargnes, et presque toute l'indépendance et la brusquerie de Dobbs avaient suivi le même chemin. « Un malheur ne vient jamais seul, » dit le proverbe. Madame Rice mourut peu après la perte de la petite fortune de Dobbs. La bonne vieille dame aurait bien voulu laisser quelque chose à sa fidèle dame de compagnie, mais elle ne le pouvait pas. Ses revenus devaient, après sa mort, passer des parents de son mari. Elle avait souvent fait à Dobbs de beaux cadeaux que celle-ci avait placés avec ses économies, et maintenant il ne lui restait rien, plus rien. La pauvre Dobbs, la tête bouleversée pendant les premières semaines, paya sa chambre à Madame Halliburton et se désola. Puis elle essaya de gagner sa vie en cousant des gants, métier qu'elle avait fait durant sa jeunesse, mais elle n'était plus jeune. Ses yeux et ses doigts refusaient leur service, et la pauvre Dobbs ne gagnait pas grand-chose. Elle errait dans la maison comme une âme en peine, jusqu'à ce que Jane s'aventurât, avec autant de déférence que si elle avait eu affaire à une princesse indienne, à lui proposer de rester avec elle. Elle avait besoin d'une servante expérimentée. Elle savait que Dobbs l'était. Dobbs accepta, monta et emporta tous ses effets dans le cabinet noir qu'elle adopta obstinément pour sa chambre à coucher. La mort de Madame Rice avait permis à Jane de mettre à exécution un plan auquel elle avait songé depuis longtemps, celui de recevoir des jeunes gens en pension. La femme du directeur du collège, Madame Morton, en logeait une douzaine. Pourquoi n'en ferait-elle pas autant? On l'en avait autrefois sollicitée, mais la place lui avait manqué. Elle tenait encore sa classe du soir. À mesure qu'elle avait achevé sa tâche auprès d'une bande d'écoliers, d'autres les remplaçaient. Personne n'enseignait comme Madame Halliburton. Dès qu'elle eut fait savoir qu'elle pouvait recevoir des pensionnaires, 6 jeunes gens qui suivaient le collège pendant la journée se présentèrent. Elle put ainsi abandonner son métier de couseuse de gants, au grand regret de Samuel Lynn. Une ouvrière soigneuse et régulière comme Jane était appréciée à la manufacture. Avec sa classe du soir et la somme que lui payaient ses pensionnaires, son revenu montait à plus de 6 000 francs, sans compter les gages de William. William avait eu beaucoup d'avancement chez M. Ashley. Il gagnait près de 40 francs par semaine. Frank Egar n'avait pas quitté le collège. Frank y avait achevé ses études, mais lorsqu'un écolier lui faisait autant d'honneur que Frank Halliburton, M. Morton n'était pas pressé de le renvoyer. Frank nourrissait un ardent désir qui, nuit et jour, occupait ses pensées, celui d'entrer à l'université. Son idée, jadis assez confuse, de devenir avocat, était devenue le but de sa vie. Il possédait toutes les qualités nécessaires à un bon plaideur et ne se méprenait pas sur sa vocation. Persévérant, d'une intelligence prompte, d'un caractère enthousiaste, persuasif et d'une élocution facile, il était le type d'un avocat en germe. Mais il ne voyait pas encore de quelle manière il pourrait entrer à l'académie, ni Gar non plus. Gar qui était bien décidé à se consacrer au ministère évangélique. Par un soir de janvier clair et froid, Samuel Lynn sortit de la manufacture. Il avait reçu une lettre lui annonçant qu'un de ses amis, qui allait de Birmingham à Bristol, s'arrêterait quelques heures chez lui et prendrait la poste qui passait dans la ville à 11 heures. L'ami arriva à l'heure fixée, se régala de thé et de friandises dans le salon de Samuel Lynn, en compagnie de Quaker, de Patience et d'Anna. D'Anna, dont les magnifiques boucles s'abritaient sous la modeste coiffure des Quakeresses. Outre sa merveilleuse beauté, une autre chose n'avait pas trompé les prévisions d'autrefois, c'était sa vanité. Elle ne trouvait apparemment pas la soirée ou le visiteur à son goût. Il était vieux comme son père et Patience. Toutes les personnes au-dessus de 30 ans étaient vieilles aux yeux d'Anna. Elle remuait sur sa chaise, Elle était agitée, inquiète, et quand l'horloge sonna 7 heures, elle se leva et sortit sans bruit de la chambre. « Où vas-tu, Anna ?» Anna rougit, comme prise en flagrant délit. « Père, Amy Jane Halliburton m'a promis de me prêter un livre. Je vais le chercher. » « Reste tranquille, enfant, tu n'as pas besoin de lire quand Miss Stanley est avec nous. Montre-lui tes dessins. Pendant ce temps, j'irai chercher les échecs. Veux-tu faire une partie ?»« Volontiers, » répondit le visiteur. « Rappelle-toi, Améline, que j'étais battue la dernière fois. »« Peut-être que je prendrai ma revanche ce soir, » dit le quaker en se levant. « Je ferai de mon mieux. »« Veux-tu une lumière ?» demanda Patience qui cousait activement. « Pas du tout, ma chambre est aussi claire qu'en plein jour et la lune brille. » Monsieur Lynn monta à sa chambre. L'échiquier et la boîte aux pions étaient sur une table près de la fenêtre. En les prenant, il jeta un coup d'œil par la croisée. On apercevait à l'horizon les collines de Malvern éclairées par la lune, mais ce n'était pas le paysage qui attirait l'attention de Samuel Lynn. Un homme enveloppé d'un manteau se promenait le long du sentier qui courait derrière la petite haie de son jardin. Un homme enveloppé d'un manteau se promenant au clair de lune, il n'y avait là rien de bien extraordinaire. Mais c'était la démarche même du promeneur nocturne qui frappait Samuel Lynn. Le sentier contournait le jardin que d'un côté une haute charmille séparait de celui de Madame Halliburton et qu'un mur enfermait de l'autre. Le promeneur venait jusqu'à l'un de ses angles, regardait à la dérobée les fenêtres de la maison de Monsieur Lynn, puis reprenait sa course jusqu'à l'autre bout, s'arrêtait et regardait encore en se cachant par intervalles derrière la haie. Il attendait évidemment quelqu'un, car de temps à autre, il frappait du pied avec impatience. « Que peut-il donc faire ici ?» se dit le quaker à demi-voix. « Voici la seconde fois que je le vois. Il ne peut prendre un croquis de ma maison au clair de lune. Si c'est un autre que toi, William Halliburton, je trouverais cela assez équivoque. » Il retourna au salon et prit sa revanche en faisant 3 fois de suite son adversaire échec et mat. À 9 heures, le souper arriva, et à 10, M. Stanley, accompagné de Samuel Lynn, parti pour aller, sans se presser, trouver la diligence de Bristol. Comme ils tournaient la maison, ils aperçurent William Halliburton rentrant chez lui. « Il fait bien froid, » dit William à M. Lynn. « Très froid. Bonsoir. » Le soir et le grand manteau bizarre dont il était enveloppé ne nous permettent pas de les reconnaître, mais nous pouvons renouveler connaissance avec lui, le lendemain matin, dans le bureau de M. Ashley. Il a la tête de plus que Samuel Lynn, à côté duquel il se tient, et sa taille est bien prise. Il n'a pas ce qu'on a coutume d'appeler une jolie figure, et cependant son large front intelligent, sa bouche ferme et douce, ses brillants yeux gris attirent l'attention. Quiconque le verrait ne pourrait, malgré son tablier blanc, manquer de reconnaître en lui un gentleman. William a sorti ses dégants, travail que l'on faisait parfois dans la chambre de M. Ashley, qui, située au nord, offrait une meilleure lumière. Une table était fixée tout le long de la paroi, sous les fenêtres. M. Lynn regardait William. « Tu peux le faire passablement, William, » dit-il après quelques minutes d'inspection. William sourit. Le quaker ne donnait jamais de louanges positives et ne croyait pas qu'à part James Smith et lui, on puisse se confier à personne pour l'assortiment des gants. William s'était mis depuis 18 mois et croyait connaître la partie. M. Lynn se détournait quand ses regards perçants tombèrent sur quelques paires. Il les prit à la hâte, plissa son front, en reprit d'autres. « Tu n'as pas bien fait attention à ceux-ci, ami William. »« Ce n'est pas moi qui les ai choisis, » répondit William. « Et qui donc ? Cyril Dare. » « J'ai dit à Cyril Dare qu'il ne devait pas s'en mêler, » fit Samuel Lynn d'un ton sévère. « Quand il choisit cela ? Hier après-midi. »« Encore ? Il sait bien qu'on n'assortit pas des gants par une après-midi d'hiver. Moi-même, je n'y réussirai pas. Revois cela quand tu auras fini ceux qui sont devant toi. » Samuel Lynn n'épargnait pas l'ouvrage. Il mêla indistinctement les douzaines, puis le retourna à sa place. Il s'occupait du même travail. Il éleva de nouveau la voix. « Que fais-tu donc le soir derrière ma maison ?»« Tu dois trouver la promenade un peu fraîche. » William tourna la tête avec surprise. « Je ne fais rien derrière votre maison, que voulez-vous dire ?»« Tu ne t'y promènes pas en guettant comme hier soir ?»« Certainement non. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Les sourcils de M. Lynn se fronçaient. « William, je te croyais véridique. Pourquoi n'es-tu un fait aussi évident ?» William déposa la paire de gants qu'il tenait et se tourna vers le quaker. « En disant que je ne me promène pas le soir derrière votre maison, je vous dis la vérité. » Hier soir, à 7 heures, je t'ai vu parader avec ton manteau. Je t'ai vu, de mes yeux vus, William. La nuit était très claire. Hier soir, depuis le thé jusqu'à 9h30, je n'ai pas bougé du salon de ma mère, répliqua William. À 9h30, je cours dire un mot à Henry Ashley. Vous m'avez vu revenir. Mais je t'ai vu de mes propres yeux, persista le quaker. Tu avais ta casquette bleue qui descendait sur les oreilles, et le col de ton manteau était remonté pour te garantir du froid, je suppose. Ce doit avoir été mon fantôme, répliqua William. Est-il probable que j'aille me promener dehors par une nuit de janvier? Veux-tu me faire le plaisir d'aller mettre ton manteau? Demanda simplement Samuel Lynn. Comment? Maintenant? S'il te plaît. William sortit en riant et revint avec son manteau. C'était un vieux vêtement dont le col était bordé de rouge. La forme n'en était plus de mode, mais William l'avait eu bon marché et s'y trouvait à l'aise. Peut-être voulez-vous que je mette ma casquette? Dit William, d'un air moitié sérieux, moitié comique. Oui, et abaisse les oreilles de ta casquette. Il obéit. Que vous faut-il de plus? Promène-toi un instant. William se mit à se promener d'un bout de chambre à l'autre. Il exécutait sa promenade quand Sir Hilaire entra et resta stupéfait à la vue de William. Le quaker ne fit pas attention à lui. Il se contenta de tirer sa montre et de la regarder, puis, s'adressant de nouveau à William, « Et tu peux m'assurer en face que tu ne te promenais pas hier soir dans le champ, costumé de la sorte ?»« Je le peux et je le fais, » répondit William. « Alors, William, de deux choses l'une, ou mes yeux m'ont trompé, ou tes paroles sont fausses. Avez-vous distingué ma figure ?»« Non. » »« Avec les oreilles de ta casquette abattue et le col relevé, ta figure était bien cachée. » Mais il n'y a pas un autre manteau pareil au tien dans tout Helstonleigh. Pour cela, vous avez raison, dit William en riant. Il n'y en a pas un qui soit la moitié aussi beau. Admirez donc le contraste de ce drap vert avec ce col rouge. Non, il n'y en a pas d'autre, répéta le quaker avec emphase. Je te dis, William Halliburton, en dépit de ta négation, que je t'ai vu, toi, ou une forme humaine, parfaitement semblable à toi, paradant hier au soir dans le sentier et regardant en cachette mes fenêtres. « Évidemment, c'est un revenant, » dit William, en lançant un regard de plaisanterie à Cyril. « Combien de temps devrais-je encore me promener à coudre de la sorte, pour votre plaisir et l'amusement de Cyril ?»« Tu peux l'ôter, » répondit le quaker, sa voix brève trahissant son mécontentement. Jusqu'alors, il avait cru William la quintessence de la vérité. Sa foi venait d'être ébranlée. William alla pendre son manteau dans le petit corridor qui séparait la chambre de Samuel Lynn du bureau de M. Ashley. Le quaker se tourna vers Cyril, qui ôtait son paletot, et lui demanda d'un ton sévère « Sais-tu l'heure ?»« 9h30, » répondit Cyril. M. Lynn lui tendit sa montre. « 10h-17, tu dois être là à 9h. »« Je suis là de te recommander constamment d'être plus exact. »« Et tu n'es pas venu avant le déjeuner ?»« Je me suis endormi. » »« Comme tu le fais assez souvent. » À ce qu'il me semble. Si tu ne sais rien faire de mieux que ce que tu as fait hier, dors pour tout de bon. Regarde ces gants. Eh bien, cria Cyril, qui était presque aussi grand que William, et revit un extérieur agréable, sans ses yeux inquiets qui ne regardaient jamais en face. Eh bien, répéta le quaker, c'est fort heureux que je les ai regardés, car il faut les recommencer. Les gants de la première qualité sont mêlés avec ceux de la seconde, ceux de la troisième qualité avec ceux de la première. Je n'ai jamais vu de gants aussi mal assortis. Que t'ai-je dit? Des masses de choses, répondit Cyril, qui aimait fort à défier le directeur. Je t'ai prié de ne jamais sortir les gants. Je te le défends encore. Tu feras bien de ne pas l'oublier. Bande ces gants que William achève. Cyril ouvrit le tiroir qui contenait les bandes de papier, en prit quelques-unes et les porta au comptoir où travaillait William. M. Lynn lui adressa de nouveau la parole. « Fais-moi le plaisir de mettre ton tablier. » Ce tablier était la bête noire de Cyril. « Il n'y a pas besoin de mettre un tablier pour bauder les gants, » répliqua-t-il. « Tu mettras ton tablier, ami, » répéta M. Lynn avec calme. « Je déteste ce tablier, » marmotta Cyril en ouvrant brusquement un autre tiroir et prenant son tablier, car il n'osait désobéir ouvertement à M. Lynn. « Je crois que je suis le premier gentleman qui en ait jamais porté un. Tu es dans une manufacture. » « Tu dois porter un tablier, que tu sois gentleman ou non, » répondit le quaker. « Nous le faisons tous. »« Pas tous, » rétorqua Cyril. « Le patron n'en porte pas. » « Tu n'es pas encore dans la position du patron, Cyril, et je te conseillerais d'exercer ta discrétion un peu plus et ta langue un peu moins. » La discussion fut interrompue par l'entrée de M. Ashley. On osait se disputer en présence du patron. Il s'assit et ouvrit son courrier du matin. Un jeune homme passa la tête à la porte et s'adressa à Samuel Lynn. « Le teinturier vient d'arriver, monsieur. Il dit que les peaux qu'on lui a données hier vaudraient mieux pour des gants de couleur que pour des gants noirs. « Dites à James Mason d'aller vers lui, » dit M. Lynn. « James Mason n'est pas ici, monsieur. Il est dans la chambre des coupeurs. » Samuel Lynn sortit. Cyril le suivit, car Cyril avait un faible pour les tourner dans la manufacture en guise d'intermède à son travail. Peu après, le patron leva la tête. « Venez ici, William. » William déposa sa paire de gants et s'approcha du pupitre. « Savez-vous le français ?» demanda M. Ashley. « Très bien, monsieur, » répondit-il avec surprise. « Je le lis et je l'écris aussi facilement que l'anglais. »« Mais le parlez-vous ? » ?»« Vous feriez-vous comprendre si, par exemple, un ballon vous transportait subitement en France, dans une ville dont les habitants ne sauraient que leur langue ?» William sourit. « Je ne serais pas bien embarrassé, monsieur. » « J'ai travaillé si longtemps avec M. Collins que je parle presque aussi vite que lui. Il me reproche seulement ce qu'il appelle l'accent anglais. »« Il n'est pas sûr que je ne vous envoie pas en France, » reprit M. Ashley. « Vous pourriez vous absenter plus facilement que Samuel Lynn, et il faut que ce soit l'un de vous deux. Entreprendriez-vous le voyage ?»« Je ferai tout ce dont vous me croirez capable, monsieur, » répondit William en levant ses yeux francs et limpides sur ceux de son maître. « Vous êtes très bon juge des peaux, de l'aveu même de Samuel Lynn. Je voudrais envoyer en France quelqu'un de confiance pour visiter les marchés et acheter ce qui nous conviendrait. Depuis quelque temps, nous ne faisons rien de bon. »« Je présume que ce serait à Annonay, monsieur. »« À Annonay et dans le voisinage. C'est le principal marché pour les peaux préparées. Celles qui sont brutes s'achètent, comme vous le savez, près de Lyon. Vous iriez aux deux endroits. J'ai parlé de l'affaire à M. Lynn, et il pense qu'on peut se fier à vous, à la fois comme compétence et comme conduite. Je ferai de mon mieux, si je suis envoyé. Votre absence durerait 2 ou 3 mois. Nous avons besoin d'une quantité considérable de peaux. Les tanneurs d'Annonay... Cyril, que faites-vous là ? Cyril aurait eu lui-même peine à le dire. Il était rentré sans bruit dans le comptoir, et avait entendu quelques lambeaux de la conversation. Dans son dépit, il était resté court, la tête tournée vers les interlocuteurs. Car un mot que Henry Ashley avait laissé échapper avait fait présumer que M. Ashley devait envoyer quelqu'un de la manufacture en France et que ce quelqu'un ne serait pas Samuel Lynn. Cyril avait accueilli cette nouvelle avec empressement, ne doutant pas qu'il serait le préféré. À parler franchement, il s'y connaissait presque aussi bien que William, auquel il n'avait pas songé un seul instant. Il s'était réjoui d'avance de son voyage dans la terre des plaisirs où personne ne le contrôlerait. Lorsqu'il entendit M. Ashley en parler, non pas à lui, mais à William, il se sentit plein de colère contre tout et contre tous, contre la manufacture, les affaires, le patron et William. Mais M. Ashley n'était pas homme à faire les choses à la hâte, et ce n'était là que les préliminaires du sujet.